Qu'est-ce qui te fait vraiment hyper vibrer dans la life, quoi? Mais bon, je veux dire, il y a forcément aussi en contrepartie des trucs qui te font vraiment mal délirer, quoi. Genre des mauvais kiffs de base, quoi. Oui.